L'écharpe sanglante par Augustin Lapute. Chapitre 1er. Quand on descend le cours de la Seine et qu'on a franchi la passe de Quiboeuf, le fleuve prend alors d'immenses proportions et la mer, dont depuis longtemps déjà on entendait les lointains murmures, apparaît tout à coup avec ses nappes infinies et ses horizons sans limite. À cet endroit même, et au versant d'une colline, dont la base s'appuie sur de robustes roches de granit, se dressent encore imposantes les ruines du château fort de ces redoutables sires de Tancarville, dont les guerres particulières troublèrent tant de fois le duché normand. Au nombre des tours qui en défendaient l'enceinte, quelques-unes gisent maintenant sur le sol comme de pieux chevaliers tombés dans la bataille, tandis que d'autres ont seulement perdu leur couronne de créneaux. Parmi ces dernières, celle-ci fut la tour de l'Aigle, celle-là la tour du Lion, et la troisième dominante et gigantesque, portant la tête au-dessus des deux premières, comme une sentinelle vigilante qui craint les surprises de l'ennemi, s'appelait la tour Coquezard. Quand novembre a ramené les tempêtes, que de sombres nuages d'hiver passent rapides et bas, que la lune se montre blafarde et douteuse à travers leurs déchirures, que les vents du soir brament dans les bois, que le coq tourne en criant au haut du clocher tremblant sous la rafale, le pâtre s'éloigne avec effroi des ruines du vieux château de Tancarville, et évite surtout avec soin la tour Coquezard, dans la crainte de voir s'agiter au sommet un pâle fantôme, livrant aux caprices de la brise les plis ondoyants d'une écharpe sanglante. Cette apparition que tout le monde atteste, et dont chacun assure avoir été témoin, au moins une fois dans sa vie, s'autorise dans le pays d'une légende simple et touchante, comme le sont en général celles que se transmettent fidèlement les générations du peuple des campagnes. Mais sous cette légende, il y a une terrible et dramatique histoire. Chapitre 2e. La mort venait de frapper Guillaume le Conquérant, roi d'Angleterre et duc de Normandie. Tant qu'il vécut, ses grands barons furent contraints de courber la tête sous son sceptre de fer, mais à peine eut-il disparu de la scène du monde, qu'ils se hâtèrent de reprendre la route des forteresses qui, pendant sa minorité, avaient protégé leur turbulente indépendance et qu'à cause de cela même, il avait tenu sous sa main après les avoir chassés. Raoul de Tancarville et Robert de Maulévrier, naguère des derniers soumis au joug du vainqueur d'Hastings, se trouvèrent des premiers à reprendre le chemin de leur place forte et n'eurent pas de plus pressant souci que de se mettre en mesure de recommencer de nouveau les luttes sanglantes de leurs ancêtres, luttes incessantes, sans trêve et sans merci. Ces deux puissantes maisons, dont les domaines n'étaient séparés que de quelques lieues seulement, se portait depuis près de 2 siècles une haine sauvage et toujours inassouvie. Transmise des pères aux fils comme un héritage de famille, elle formait, pour ainsi dire, la trame d'un drame continu dont le plus terrible épisode a pris, en traversant les âges, le caractère et la forme d'une légende devenue populaire sous le nom du fantôme à l'écharpe sanglante. Chapitre 3e. Plusieurs mois s'étaient écoulés depuis la mort de Guillaume. Le duché était en pleine anarchie féodale, et chose étrange pourtant, malgré tous leurs efforts pour se porter quelques coups décisifs, Tancarville et Maulévrier n'avaient pu encore y parvenir. Tout ce qu'ils préparaient réciproquement l'un contre l'autre, stratagèmes, embûches, surprises, embuscades, tout avortait misérablement devant une mutuelle vigilance qui des deux côtés semblait tenir d'une foule de divinations. Cette impuissance à se nuire, cette espèce de sort jeté sur leur haine réciproque, avait fini par les exaspérer jusqu'à la rage. « Par le sang du Christ, disait à cette occasion Tancarville, je donnerai la moitié de mes domaines pour connaître celui qui paralyse mes plans les meilleurs, en les révélant à mon ennemi, car je n'en puis plus douter, s'il est trahi, je le suis aussi moi-même. » De son côté, à quelques jours de là, Maulévrier faisait la même remarque, jurant sa part de paradis qu'il découvrirait le coupable. Les paroles du premier avaient été entendues de Bertrand, son clerc, homme n'ayant de sa vie éprouvé le moindre scrupule, quand il s'était agi pour lui de faire la cour à son maître. « Sire comte, lui dit-il, rien de plus dangereux et souvent rien de plus difficile à découvrir que la trahison domestique et pourtant… »« De par l'enfer !» s'écria Tancarville. « Parle, explique-toi. Je suis ici pour vous obéir, puisque vous êtes mon seigneur. Écoutez donc. Blanche, votre propre fille, aime le fils de votre ennemi et en est aimée. Tous deux, infidèles à leur sang, se livrent réciproquement le secret des expéditions militaires préparées par leur père. Il ne leur est pas difficile de les en instruire ensuite, chacun de son côté, par une voie mystérieuse, mais toujours sûre. Peut-être, ajouta Bertrand, avec hypocrisie, veulent-ils amortir l'animosité de foi séculaire qui divise leur maison, en les réduisant ainsi à l'impuissance de se nuire. L'amour est parfois si ingénieux. Assez, assez, pas un mot de plus. Sur ta tête, mais tes preuves à l'instant, si tu vas vivre encore dans une heure. Seigneur, reprit le clerc, sans se troubler, peut-être vous rappelez-vous que sous le règne de Guillaume, la reine Mathilde donnait souvent des fêtes à sa cour. Or, c'est dans ces fêtes que Blanche et Richard de Maulévrier se sont rencontrés. C'est là que l'amour a pris dans leur cœur la place du seul sentiment qui devait légitimement y pénétrer, et que rien n'aurait dû leur faire oublier. Depuis la mort de la reine, séparés d'abord, ils ont trouvé ensuite le moyen de se rapprocher, et presque chaque soir, du sommet de la tour Coxar, votre fille, sire comte, en agitant dans les airs les longs plis d'une écharpe blanche, convie Richard à une entrevue d'amour. Quelques instants après, le bruit d'un léger sillage se fait entendre sur le fleuve. Une frêle nacelle s'arrête sous les murs de ronde, une porte basse s'ouvre avec mystère, puis elle se referme, et la nacelle reste attachée au rivage jusqu'à ce que le chant du coq ait annoncé l'approche de l'aurore. Raoul écoutait avec une rage silencieuse le récit froidement débité que lui faisait Bertrand. Quand il eut fini, « Tu vas, dit-il, te rendre à l'instant au château de Maulévrier. Tu demanderas à entretenir le comte d'une affaire importante et secrète. Et quand tu te trouveras devant lui, qu'il apprenne alors de ta bouche ce que tu viens de me révéler. Tu lui demanderas ensuite, de ma part, de m'octroyer un rendez-vous demain à midi sur le préau des moines de Saint-Mandry. Nous devrons nous y rendre seuls et sans armes. » Bertrand fit ce qu'il lui avait été commandé. Après l'avoir entendu, le comte Robert s'écria « Sur mon âme, la vie de mon fils Richard ne tient pas à un fil. Dis à ton seigneur que demain à midi, je ne manquerai pas de me trouver sur le préau des moines de Saint-Mandry, seul et sans armes d'aucune espèce. » Chapitre 5e. Le jour suivant, à l'heure fixée, les deux ennemis se rencontraient au lieu convenu seuls et sans armes. Tous deux avaient le cœur gonflé par le même sentiment de vengeance impie et venaient s'entendre pour l'assouvir. À ce moment, un moine, qui rentrait à son couvent, les ayant reconnus, « Que venez-vous faire ici ? » leur cria-t-il en s'approchant, d'une voix ferme et sévère. « Nous avons choisi votre préau, dit Raoul avec colère, comme un terrain neutre, pour y conférer ensemble d'un intérêt commun. Vous plaît-il de nous laisser seuls ? Vous êtes des hommes de haine et de meurtre, répondit le moine sans se troubler. Vous n'avez de chrétien que le baptême. Depuis près de 2 siècles, vos pères et vous portez la désolation et la mort dans ce pays, si riche des dons de Dieu. Soyez maudits si vous avez choisi ce lieu placé sous les murs même de notre maison de paix et de prière, dans quelque sinistre dessein. Que si je me trompe, que sous vos masques de bêtes féroces, il y est encore quelque chose d'humain. Si vous êtes venu ici pour cimenter enfin une réconciliation sincère, je me joins à vous. Et que le ciel bénisse vos intentions. » Cette fois, s'écria avec ironie le comte Robert, sire moine, vous avez deviné juste. Sous nos masques de bêtes féroces, comme vous l'avez dit pieusement, nous avons de bons cœurs, de vrais cœurs de père. Et nous venons causer ici ensemble des prochaines fiançailles de nos enfants, et de la manière de les mieux célébrer. C'est Satan qui parle par votre bouche, comte de Maulévrier, reprit le moine. Je le sens, je le vois, j'en suis sûr. Tous deux, vous avez du sang dans les pensées, et toutes les fureurs de l'enfer dans le cœur. Je ne sais ce que vous méditez, car vous êtes capable de tous les crimes, et avez mérité 100 fois l'excommunication de l'Église. Moine stupide, dit à son tour Tancarville, en cherchant par habitude à son côté l'épée dont il s'était volontairement séparé. « Tu as trop compté sur ton habit. Va et rentre plus vite à ton gîte, si tu ne veux que je t'écrase sous mon pied. » « Que la malédiction du Seigneur soit sur vous, race de démons, » répliqua le moine en s'éloignant, « car vous ne vous êtes rapprochés que pour comploter le mal. » Les loups des forêts ne s'assemblent que pour le carnage. Soyez maudits !» répétait-il en s'éloignant lentement. Et sans s'émouvoir des menaces terribles que Robert et Raoul proféraient contre lui, il rentra dans son couvent. Quand il eut disparu, « Eh bien, si Raoul ?» demanda Maulévrier. « Que vous semble ? » « N'ai-je pas répondu pour vous et pour moi à ce moine enragé, en l'assurant que nous étions réunis pour nous entendre sur les fiançailles de nos enfants ?»« On ne pouvait mieux dire, » répondit l'autre, « car c'est bien pour cela, en effet, que je suis ici. Or, puisque nous voilà d'accord, que nous nous sommes compris sans avoir eu même besoin de dire un mot, que la cérémonie se fasse donc le plus tôt possible, ce soir même, si leur amour nous est favorable. À merveille, ce soir même, si leur amour nous est favorable. » « Avez-vous d'aussi bons yeux que votre fils Richard, comte Robert ? Et pourrez-vous, aussi bien que lui, distinguer du haut de ma tour Coxard le signal du rendez-vous ? Mes yeux sont toujours jeunes, comte Raoul. Ainsi, voilà qui est entendu. Nous aurons vu, chacun de nous fera justice. Très bien, je le comprends ainsi. À moi, mon fils Richard, à vous, votre fille Blanche. Je serai chez moi. N'aurez-vous point de méfiance de vous y trouver ? Faites-moi votre serment. » Je jure Dieu, comte Robert de Maulévrier, que vous sortirez sain et sauf du lieu où il nous faudra bien attendre que nos enfants maudits se rencontrent. Trouvez-vous ce soir, une heure après la chute du jour, au carrefour Saint-Maurice, j'y serai. Et pour que vous n'ayez aucun soupçon de félonie, je vous remets ce morceau de la vraie croix, qu'ainsi que vous pouvez le voir, je porte suspendu à mon cou. Je jure dessus que, comme vous serez entré libre derrière mes murailles, libre vous en sortirez, quand les traîtres auront reçu leur châtiment. « J'accepte votre serment et votre gage, » répondit Maulévrier en plaçant la relique sur sa poitrine. « À ce soir, les fiançailles, et après ?»« Après ?» interrompit violemment Tancarville. « Après, ce sera jusqu'à ce qu'un de nous deux soit rayé du nombre des vivants. »« Et, » reprit l'autre, « jusqu'à ce que votre château ou le mien soit rasé et déraciné du sol, que la charrue passe sur la place qu'il occupait. » Puis s'interrompant, « Séparons-nous, séparons-nous. » Chapitre 6e. Ce jour même, une heure environ après le coucher du soleil, ces deux hommes, qu'avec tant de raison le moine de Saint-Bandry avait qualifié de bêtes féroces, mais dont ni l'un ni l'autre n'eût été pourtant capable de violer un serment, se rencontraient, armés de leurs épées, au carrefour Saint-Maurice, c'est-à-dire à une faible distance du château de Tancarville. Ils s'abordèrent en silence, prirent par un petit bois, gagnèrent le bord de la Seine, et là se tinrent cachés de manière à voir sans être vus. Quelques instants s'écoulèrent, et les charmes de Blanche, agitées par une brise légère, sous un ciel déjà brillant d'étoiles, apparut au sommet de la tour Coxard. « Il est temps, » dit le comte Raoul, dont les lèvres frémissaient d'une atroce colère. « Suivez-moi, sans crainte. » C'était par une splendide nuit d'été, calme et recueillie, la nature entière semblait respirer la paix et l'amour. Comme deux malfaiteurs de nuit, ils s'avancèrent avec précaution et arrivèrent en quelques minutes sous les murs du chemin de ronde. Le comte Raoul ouvrit discrètement une porte basse, et après avoir pénétré dans l'enceinte suivie de son complice, il la referma avec le même mystère. Tout près, derrière un pan de mur, ils se cachèrent ensuite l'épée à la main. Bientôt un léger bruit se fit entendre. C'était Blanche qui venait ouvrir à Richard cette porte par où la mort était entrée pour attendre sa proie dans l'ombre à quelques pas plus loin. Elle n'attendit pas longtemps. Presque immédiatement, en effet, Richard parut. Il vit Blanche, s'élança vers elle, la pressa sur son cœur, et le bruit d'un baiser se fit entendre. Ce fut le signal. Instinctivement, sans s'être fait le moindre avertissement muet, les deux pères s'élancèrent, Maulévrier sur son fils, Tancarville sur sa fille, et dans les cœurs tout palpitants d'amour de leurs enfants, sans hésiter, d'une main barbare et ferme, ils enfoncèrent leurs impitoyables épées. Le double crime consommé. « Renvoyez-moi ce corps demain, » dit simplement Robert. « C'est le corps d'un traître, mais je ne veux pas qu'il vous reste. »« Vous serez satisfait, » répondit Raoul. « Maintenant, sortons. » Quand ils furent dehors, il ajouta, « J'ai tenu ma parole. » Libre de plein gré, vous êtes entré derrière mes murailles. Libre, vous en êtes sorti. Rendez-moi mon gage. » Maulévrier détacha de son cou le gage réclamé, et l'ayant remis à son ennemi, tous deux se séparèrent en s'écriant spontanément « Maintenant, à mort !» Chapitre 7e. Tancarville tint sa parole en tout point, en faisant porter le lendemain au château de Maulévrier le corps de Richard. Quant à sa fille, il abandonna ses funérailles à des femmes mercenaires. Touchée de sa fin tragique, celles-ci, avant de la placer dans le cercueil, entourèrent son cœur sanglant de l'écharpe qui avait tant de fois donné à son amant le signal du bonheur. On dit que souvent, chaque année, encore que bien des siècles aient passé sur sa tombe, pendant les longues nuits favorables aux morts, elle ne manque jamais de répéter ce signal du sommet de la haute tour qui a bravé jusqu'à ce jour les atteintes du temps et des hommes. Voilà pourquoi, quand novembre a ramené les tempêtes, que les sombres nuages d'hiver passent rapides et bas, que la lune se montre blafarde et douteuse à travers leurs déchirures, que le coq tourne en criant au haut du clocher tremblant sous la rafale, le peintre s'éloigne avec effroi du château de Tancarville et évite surtout avec soin la vue de la tour Coxard, dans la crainte de voir s'agiter au sommet un pâle fantôme, livrant aux caprices de la brise les plis ondoyants d'une écharpe sanglante. Ainsi s'achève l'écharpe sanglante par Augustin Labutte.